exécuterai plus de pas en avant. J'ai trop sué à trimer, j'ai perdu tout mon temps. J'ai carmé, j'ai cotisé, je n'ai pas un sou devant. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Non, tu me feras pas crever en ruiné, en bossant. J'espère un peu profiter dorénavant de ma gentille petite femme, de mes petits enfants. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Jamais je te permettrai, sacré pont, d'inviter mon taulier à mon enterrement, même si t'y trouves plaisir excitant. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Touche pas à ma retraite à 60 ans. S'il faut te rappeler la clause de mon contrat, celle qui engage l'état, loi, toi et moi. S'il faut t'assister, t'ennuyer, pourquoi pas. Je vais te la jouer, la corde sous mes doigts. Je vais te la chanter de ma plus grosse voix. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Non, touche pas à ma retraite à 60 ans. Ne touche pas à ma retraite à 60 ans. Via travers ton fisc malveillant, impôt sur bas revenu, charge sur émolument, mon salaire grévé inexorablement. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Toi, tu te la coules douce, fais néant, dilapide dans le butin. Au caïman, t'oses demander du rab à présent. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Va donc réclamer ça aux brigands, ce que t'as si bien servi aveuglement. Et fiche-moi donc la paix maintenant. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Arrête de marceler de réforme n'importe quoi. T'en as fait de trop, de mauvais goût, de mauvais choix. Cesse de me saouler, me filer la gueule de bois. De patron frelaté, de ministre à la noix, qui me donne la nausée, envie de gerber sur toi. Touche pas à ma retraite à 60 ans. Non, touche pas à ma retraite à 60 ans. Ne touche pas à ma retraite à 60 ans.